Point de vue. Aimez-vous les jeux d'argent? Emmanuel, 38 ans, secrétaire, Tours, Indre-et-Loire. Je joue toutes les semaines au loto ou à l'euro-million. J'aime aussi les jeux de grattage, mais je suis raisonnable et je me fixe une somme d'argent maximale par semaine. Je joue depuis 10 ou 15 ans. C'est vrai, je n'ai jamais gagné plus de 500 euros, mais je suis sûre qu'un jour je gagnerai le gros lot. Maëlle, 32 ans, informaticien, Toulouse, Haute-Garonne. J'ai fait la bêtise de commencer à fréquenter les casinos en ligne il y a 6 mois. J'ai immédiatement compris le danger que ça représentait, car j'ai perdu environ 2000 euros en 2 ou 3 fois. J'ai donc décidé de tout arrêter, parce que j'ai compris que ça peut devenir très addictif. Je suis marié, j'ai une petite fille, et je ne veux pas mettre ma famille en danger financièrement. Louison, 28 ans, graphiste, Aix-les-Bains, Savoie. Je ne suis pas une grande fan des jeux d'argent. Comme tout le monde, j'achète parfois un ticket de loto, par impulsion, mais c'est tout. Je suis allée 2 ou 3 fois dans un casino parce que j'étais avec des amis, mais l'ambiance des machines à sous, c'est pas mon truc. Antoine, 46 ans, géomètre, Francheville, Rhône. Je joue occasionnellement au loto, mais je sais que la probabilité de gagner le gros lot est infinitésimale. Je joue parfois au poker avec des amis. Nous misons de petites sommes d'argent. Et toutes les parties perdues servent à partager un repas dans un bon restaurant à la fin de l'année. En conclusion, le jeu pour moi doit être un plaisir et non une dépendance. Jacques, 72 ans, retraité, Vincennes, Val-de-Marne. J'ai découvert les courses hippiques avec mon père quand j'étais enfant. Depuis, c'est une passion. Je n'aime pas parier dans un bar PMU ou en ligne. Ce que j'aime, c'est parier à l'hippodrome et regarder la course en direct. Je gagne régulièrement, car je connais les chevaux et les jockeys. Mais perdre n'est pas la fin du monde, car la course, c'est un moment d'adrénaline incomparable. Aurélie, 32 ans, commerçante, Sainte-Afrique, Aveyron. Je n'ai jamais joué de ma vie. Mais j'ai quitté mon compagnon à cause du jeu. Sans me le dire, il jouait en ligne depuis plusieurs mois. Un jour, la banque m'a appelée pour me dire que notre compte était dans le rouge de plusieurs milliers d'euros. Malgré nos discussions, mon compagnon n'a pas voulu arrêter de jouer, alors je l'ai quitté. L'addiction au jeu est vraiment quelque chose de terrible.